Là où il y a fascination, il y a impérativement capitulation d'un esprit pour un autre. Parce que... OK, laisse-moi expliquer la nuance, là. Supposons, rien que pour expliquer, là, supposons qu'il y a un être de lumière qui se présenterait ici, OK, qui se matérialiserait à Saint-Rayon. Si tu es fasciné par cette tête-là, tu ne peux plus communiquer avec. Tu peux plus communiquer avec. C'est fini. Tu peux plus. Même chose pour les copie. Laisse-moi finir ce petit point-là, Daniel, parce que je ne veux pas le perdre. Dans la fascination, il y a naturellement une soumission. Puis, dans l'état mental, il ne peut pas y avoir de soumission dans l'état mental parce qu'il n'y a pas de réflexion. Et dans la soumission, il y a de la réflexion. Il y a une dualité. Il y a de la comparaison. Dans l'état mental, il n'y a pas de comparaison. Tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas te comparer. Si tu te compares, tu n'es pas parfaitement dans l'état mental. Fait qu'automatiquement, tu peux être assujetti. Quelle que soit l'intelligence. Parce que de l'intelligence, c'est une énergie et ça n'appartient pas à l'ego. Ça ne doit pas colorer l'ego émotivement ou mentalement. C'est une énergie. Ça fait partie de la symbiose universelle. Dans le jeu de fascination, en tout cas, dans le concept d'énergie sur le plasma, particulièrement, c'est la vitesse qui est la plus grande. Je vois avec la vitesse, on est plus loin qu'à l'élévation de la vitesse, qui n'est pas dans le rythme de l'autre. Si tu augmentes la vitesse dans une habilité, dans une activité mentale quelconque, puis l'autre est. Mais tu n'es moins que dans le mouvement de telle vitesse et de pratique possible. C'est le jeu des vitesses qui est le plus facile. Parce que tu ne respectes pas le rythme de développement. Donc, tu agis dans un mouvement pour, comment je dis ça, comme spiraliser l'énergie de l'autre dans le mouvement d'avant. Le phénomène de fascination, c'est une multitude d'énergie qui va créer une impression. Si la personne coupe, c'est-à-dire si la personne voit une vitesse chez l'autre, et puis, par exemple, t'apparaîtrait quelque chose, le phénomène de surprise, c'est toujours un phénomène de vitesse. Fait que si tu prends un retrait face à cette vitesse, donc à cette surprise, tu gardes, donc tu restes dans ton. À chaque fois que tu te sens emporté dans une vitesse, tu t'attires. À chaque fois que je fais un champ de vitesse qui est supérieur à la mienne, je m'active pour jauger le mouvement d'énergie pour me situer dans cette pour éviter justement ce phénomène. Oui. C'est bon. Sans ça, tu perds. Tu perds l'équilibre entre toi-même et l'autre. Moi, je sais bien que dans mes expériences avec l'invisible, c'est toujours la même technique, pas une technique, mais c'est toujours le même état d'esprit. Quand ça se présente, j'arrête puis je regarde. J'arrête simplement puis je regarde. J'en parle pas, moi. Je regarde. Puis quand là, j'ai bien stabilisé mon état, que je suis bien dans mon état mental, là, ensuite, je communique. Mais j'arrête. J'amène toute mon énergie au mental. Tout au mental. Puis après ça, là, sans ça, c'est remarqué. Les hommes en eux doivent faire la même chose. C'est dangereux d'être fasciné. C'est le principe de l'autonomie. Ouais. La résultante, c'est le désengagement personnel. On ne doit jamais être engagé à rien. Puisqu'on est tout ce qu'on doit être. Parfaitement. C'est pour ça que les gens qui commencent à rentrer dans la psychologie de l'intelligence supramentale, il y en a certains qui vivent des changements vibratoires atroces. Pourquoi? Parce que il leur est enlevé à cause de ce qu'ils savent, puis la résonance qui se développe en eux, il leur est enlevé le matériel psychologique dont ils se sont sécurisés pendant des années de temps.